Une histoire littorale. Quand on descendait au port vers 5 heures du matin, il faisait encore nuit. Une nuit froide. On prenait la route, à pied. On voyait le soleil se lever sur le port de Porspoulan. Il se reflétait dans une mer bleu-vert. Le port sentait le poisson, les algues et la mer. Une odeur agréable, enfin pas pour les vacanciers, qui la trouvaient nauséabonde. Le soleil couleur or finissait le tableau. Une ambiance de carte postale. Je suis pêcheur. Mon nom est Castiel. Ma femme, Jeanne, vend ce que je ramène de ma pêche. J'arrivais sur le port, mon bateau m'attendait, comme toujours. En ce jour d'octobre, il faisait froid, très froid, surtout en mer. Jeanne me fit un dernier au revoir. Comme toujours, on ne sait jamais ce qui peut se passer en mer. Nous étions 5, tous des hommes, et tous pêcheurs. J'allais monter sur Ténougouen, mon bateau, quand j'entendis ma femme me lancer dans son railleur. Hey, « Hé, n'oublie pas de monter le casier que tu as mis au large de l'Octudi. À ce train-là, tes araignées vont s'échapper. » Et moi de répondre, « Ne t'inquiète pas, les araignées m'attendront. » Je partis donc en direction d'Audierne, doucement bercée par les cris d'oiseaux et par les bruits des vagues. Jeanne, elle, m'attendait tranquillement, tout en dressant son étal et préparant la glace et les prix. Plus le poisson est frais, meilleur il est.